Le groupe de protestation de l'Union des étudiants coréens aux écoles japonaises a livré le 29 août la lutte de protestation à l'endroit des ambassades américaines et sud-coréennes au Japon pour condamner les témérités des États-Unis et des autorités sud-coréennes qui aggravent la crise de guerre en livrant les exercices de guerre nucléaire agressifs en Corée du Sud.